la toile de lin du lundi souffle un vent vilain. Dans la toile de lin du lundi, le vent du lundi. La mare du mardi où j'ai mes amarres. Dans la petite mare, la mare du mardi, la mer a grandi. La mer, mer du mercredi, mer salée amère. Et je vois la mer, mer du mercredi, monter à midi. Elle vient dans ces jeux du jeudi, humer l'air maudit. Elle vient dans ces jeux du jeudi, et marécageux. C'est le vent qui le vendredi garde bien vivant. Oui, mais c'est le vent qui le vendredi, le marais du midi. Ça me dit de rester ici chaque samedi, et tout ça me dit de rester ici, vivre où samedi. La mer, ça dimanche, c'est une mer en cage, préfère les dimanches. La mer, ça dimanche, c'est une mer en cage, dans les marécages.